concept de mafieux. Reste méfiant sous hypnose. La Cosa Nostra, aucun type n'ose contester. Plus de 2000 au kilométrage. La rage dégage des rimes sales. Des kilos à notre âge. Lâche ton terrain. Y'a plus de temps de sourire. La vie c'est pas un fou rire. Maintenant c'est mûrir ou mourir. Jouer les Pacino, De Niro, c'est pas chez nous. On délire au micro italiano cappuccino. Rabatte tes clients comme du bétail. Faire du détail. Eh hey, bolos, si tu payes des détails. Les poltrons parlent trop. Font du boucan comme en Irak fout le camp. Leur code chute comme celle de Chirac. Ça fout le rafu. Y'a refus de coopérer. Obstination, la sanction, je suis confus. On vient reprendre nos parts. C'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado. On vient reprendre nos parts. C'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado. Écriture, imposture. C'est comme une rose qui pue la friture. T'as une longue queue mais pourquoi tu mouilles tes chaussures. Les mêmes chaussures. Les plateaux de télé à faire le mariole. Pour qu'on dise que le hip-hop est fêlé, merde. La grosse tête qui pousse comme la mauvaise herbe, faut la couper. Encore un mauvais verbe dans ce couplet. Partout c'est lodé, ici y'a pas l'ONU, TMU. Mais on veut croquer, nique sa mère le PMU. Négro, la variette c'est comme l'adultère. Comprends maintenant pourquoi je suis vulgaire pour ceux qui veulent la guerre. Peser sur la balance, poser le pied sur le podium. Être un poisson dans l'eau, mais que faire sans aquarium. Bordel, faut que ça paye pour l'organisation. Mes frères n'ont plus le temps pour les négociations. On vient reprendre nos parts. C'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado. On vient reprendre nos parts. C'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado. Un texte au cœur de pierre car on connaît le prix du sang. La vendetta. Un désir stressant, pressant, laisse. Cesse les mythos, signature, je suis pas d'humeur. Faux contrat, la rumeur me fout la rage comme une tumeur. Bien faire et laisser dire, bien mal acquis ne profite jamais. Seuls les vrais savent que rien ne sert de mentir. On boycotte nos titres, laisse les pitres à la radio. Ma haine a pris du poids dans le dernier chapitre. Tu peux empailler l'épouvantail, les corbeaux piquent du bec. On craint plus d'être à la paille, c'est ce que disent les mecs. Manger des pascals à en vomir. Ne plus être piéton, quitter le béton, voir nos ennemis nous maudire. Stop ton business, joue franc-jeu, frangin. S'il manque de francs, je sors l'engin. On vient reprendre nos parts, c'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado. On vient reprendre nos parts, c'est la vendetta, coup d'état. Nique ton baratin, genre le Beretta. De Panama au Colorado. Le rap c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te Colorado.